Jeunesse par Henri Duvernoy. Depuis 30 ans, Cochard, le grand peintre, Fulbiac, le grand romancier, Cabrère, le grand musicien, et Serpillier, le grand amoureux, se retrouvaient l'été à Créville. Chaque âge a ses plaisirs. Ceux de ses vieux amis avaient varié. Créville les avait connus impatients de gloire, bouillonnements d'inspiration, généreux, fiévreux, maigres, pauvres et surmenés. La mère, qui est si douce à Créville, si indulgente, un peu parisienne, les voyait maintenant assagis, grisonnants, porteurs de ventres majestueux, de rentes confortables et de rosettes rouges. Ils travaillaient le matin avec la résignation mélancolique de ceux à qui les longs espoirs sont interdits et qui ont donné leur mesure. Ils se rencontraient vers 4 heures pour une lente promenade. Les passants s'informaient de leur identité, hochaient la tête avec une admiration polie, et retournaient bien vite à leurs plaisirs balnéaires. De hardies jeunes filles leur apportaient des albums d'autographes à signer. Ils se montraient courtois avec une pointe de galanterie surannée, et dans les yeux, comme un rappel de leur charmant passé. L'autographe déposé, la postulante remerciait en hâte, tirait sa révérence et courait sur une rapide bicyclette rejoindre au tennis de minces et faibles. Les filles, remarqua un jour Cochard, sont plus intelligentes, plus fines que les garçons de 15 à 18 ans. Ah, les garçons, s'écria Fulbiac, ils ne songent qu'aux moyens de locomotion. Leur idéal, c'est d'aller le plus vite possible d'un point à un autre. Écoutez-les. Quand ils ne parlent pas automobile, ils parlent cheval, motocyclette ou avion. En avez-vous surpris un seul, un livre à la main? Pour la musique, ils en sont au foxtrot, qu'ils jouent sur un doigt, en se trompant, appuya Cabrère. Ils méprisent tellement les paysages qu'ils ne font même plus de photographies, reprit Cochard. Quant à l'amour, affirma Serpillier, il n'en est même plus question. Le jeune homme a des cheveux longs et des vestons pincés à la taille. Il est blond et rose. La jeune fille a des cheveux courts, des jambes nues et des blouses flottantes. Elle est brune et mordorée. Tout cela se tutoie, se flanque des bourrades et ne pense qu'à l'argent. Stupide, conclut Fulbiac, ils sont stupides. Ce sont des enfants, j'en conviens, mais des enfants stupides. Souvenez-vous, nos discussions artistiques jusqu'à l'aube. Fulbiac nous lisait ses romans. Cochard abattait un tableau par jour. Serpillier a voulu se tuer 3 fois pour Laurence, pour Cléo et pour Marie-Thérèse. C'était le bon temps. Pas de sport. Non, mais des muscles. Et de l'âme. L'art et l'amour. Nous étions deux bien gracieux jeunes hommes, constata Fulbiac. Et si j'en croisais de semblables, il me semble que je les reconnaîtrais et que je les aimerais. Il va être 6 heures, mes agneaux. Rentrons avec sagesse. Rhumatisme. Ce soir, rendez-vous à 9 heures sur la terrasse du casino. Nous sablerons le joyeux tiel en parlant de nos projets. Car nous avons encore des projets. Petit bonhomme n'est pas mort. À 11 heures, il bavardait, nonchalamment étendu sur des fauteuils de paille. La tisane s'était glacée dans les tasses. C'était une nuit exceptionnelle. Une nuit, affirmait Cabrère, comme il y en avait 6 fois par semaine, lors des étés de leur jeunesse. Une nuit chaude, laiteuse, embaumée, d'une splendeur si pénétrante que les amis se turent enfin, touchés au fond de l'âme. Ils pensaient à leurs œuvres, sauf Serpillier, qui pensait à Madame Le Coaltar, une veuve ravissante. Soudain, ils dressèrent l'oreille. D'un groupe qui était assis au pied de la terrasse, une voix jeune montait. « Qu'est-ce qu'elles ont toutes ?» disait cette voix, à réclamer des autographes au père Cochard. « Sa peinture, vous appelez ça de la peinture ?»« Non, » jugèrent à l'unanimité 3 autres voix. « Ça pouvait encore produire son petit effet au temps de l'impressionnisme, mais maintenant, il me dégoûte ce vieil ouvrier en ciel lumineux. Je préfère Bougros, c'est plus naïf et plus consciencieux. » Et le réalisme de Fulbiac ? Le chapitre poétique piqué dans un roman hardi comme une rose artificielle au derrière d'un porc écorché, un goût de charcutier, et dire qu'il continue. En vertu de la faiblesse acquise. Demain, je vous lirai mon archive 0629. C'est l'épopée du téléphone en 200 onomatopées. Crrr, toc, toc, crrr. Pas libre, et pas dedans. Qu'est-ce qu'il dirait de nommé Cabrère avec ses romances s'il entendait ça? Vous allez un peu fort. Fut une voix implacable. Cochard, Fulbiac et Cabrère étaient intelligents. Seulement ils manquaient de dons. Ils ont été les grands hommes d'une époque de transition. Des reflets, qui de Flaubert, qui de Manet, qui de Berlioz. Ne les accablez pas, ils sont morts. Si nous filions, proposa Fulviac, mezzo voce. Pauvre petit, nous éreintions autrement nos aïeux, n'est-ce pas? Que veulent-ils dire avec mes chapitres poétiques? Ils n'ont pas lu. Ils essayent de mordre avec leurs dents de lait. Quelle pitié! Ils sont stupides, dit Cabrère. Stupides, prononça Cochard. Stupides, répéta Fulviac. Seul Serpille se réservait. Il avait beaucoup souffert de la gloire de ses amis et de sa propre obscurité. Avec la rigueur des dilettantes qui sont des juges féroces, il avait souvent pensé dans le secret de son cœur ce que ses éphèbes venaient d'exprimer tout haut. Il se réservait donc, et même il souriait avec une certaine satisfaction, quand ce sourire se figea sur ses lèvres. Il venait de voir, dans les jardins du casino, éclairé par un rayon de lune, un couple inattendu. Madame Le Coaltard, la veuve ravissante, penchait sa tête exquise sur l'épaule d'un robuste joueur de golf. Comme ils étaient tous deux vêtus de blanc, c'était une apparition lumineuse. Le surgissement de l'amour jeune, ingénu, éclatant, qui éclairait l'allée sombre. « Stupide !» fit enfin Serpille, avec plus de fureur que les autres. C'était « Jeunesse » par Henri Duvernois.